j'avais su que tu me ferais pleurer. Là, si j'avais pu contre moi te serrer. Mais je ne suis qu'un enfant, et toi tu es la vie. Et je suis peut-être un garçon chiant, mais un garçon qui te donnera sa vie. Et tes grands yeux fermés me rappellent cette lame de rasoir, celle qui vole à mon désespoir toute la saveur d'un combat d'épée. Ah, si j'avais su que tu me ferais pleurer. Ah, si j'avais pu contre moi te serrer. Moi aussi je me suis noyé dans ton âme, et j'aimerais aussi me noyer dans ton corps doré. Et je suis en plein naufrage, et j'attends que tu viennes me sauver. Je rentrerai sûrement à la nage, toi tu m'as déjà oublié. Ah, si j'avais su que tu la, me ferais pleurer. La, la, ah, si j'avais pu contre moi te serrer. Et maintenant toutes les nuits, depuis que tu n'es pas venu, pour ne pas dire que tu es parti, pour te dire que j'y ai cru, surtout ne dis à personne que j'ai voulu t'aimer. Même si je ne suis qu'un homme, j'aurais voulu être le tien. Ah, si j'avais su que tu me ferais pleurer. Ah, si j'avais pu contre moi te serrer. Ah, si j'avais pu contre moi te serrer. Ah, si j'avais su que tu me ferais pleurer. Je l'aurais quand même fait. Je l'aurais quand même fait. Là, si j'avais su, la la la la la, je l'aurais quand même fait, la la la la la, la.